Le pardon, c'est une puissance divine qui apporte la paix, la joie, la santé à celui qui en était privé. Il restaure l'âme angoissée en lui insufflant un air nouveau. Alors, ami, ne ferme pas la porte du pardon à ton prochain. Ne la ferme pas, car vois-tu, en agissant ainsi, tu fermes toi-même la porte du paradis devant toi. Jésus n'est-il pas le Dieu tout-puissant? Celui qui a le pouvoir de panser les cœurs blessés. Oui, ami, frappe à sa porte afin d'obtenir cette clé qui te permettra d'ouvrir ces deux portes que tu as malheureusement fermé et qui te seront fatales si tu ne te décides. Oui, ami, Jésus est prêt à t'offrir cette puissance qui est le pardon, car son amour pour toi, ami.